Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une collection de super-héros avec des super-pouvoirs super pas naturels. Depuis quelques années, on assiste à l'apparition de pouvoirs psychiques chez certains adolescents. Télékinésie, prévision du futur ou contrôle mental, ces facultés deviennent un enjeu pour la sécurité nationale. Traqués par le gouvernement, quelques survivants se réfugient à Hong Kong et décident d'unir leurs forces pour s'opposer définitivement aux militaires qui veulent exploiter leur pouvoir. Je vois le futur. En ce moment même. Et une autre est pas terrible. Une seule personne a réussi à s'échapper de la division. Il faut la retrouver. Grâce à elle, on les fera tomber. Avec elle, on va créer une armée comme le monde n'en a jamais vu. Je t'ai pas dit le pire. On meurt. Génial. Elle y sera. Sauve-toi, Cassie! Il voulait chasser la division hors de Hong Kong, lui aussi. Merde. Il faut savoir accepter la réalité. Vous allez tous mourir. Et qui survivra? Moi. Tu cherches à rentrer dans ma tête? Vas-y, qu'on voit si tu peux le faire avant que je tire. C'est à toi de jouer. Push, un film 100% action de Paul McGuigan avec Chris Evans, un DVD M6 Vidéo.